tu me testes, tu me délaisses, tu t'en vas, tu restes, tu fais la peste, tu me questionnes, je reste ta femme, t'as croqué la pomme, j'ai trouvé le code, tu dis que tu m'aimes, je te déteste, et c'est réciproque, on est tous les mêmes, on sait juste quoi, une histoire comme on en voit tous les jours, je suis juste quoi, ton premier amour au fond c'est juste quoi, une histoire comme on en voit tous les jours, je suis juste quoi, ton premier amour. Ты навсегда моя первая любовь. Я тот, который проникает в кровь. Ты навсегда моя первая любовь. Я тот, который проникает в кровь. Ты навсегда моя первая любовь. Я тот, который проникает в кровь. Ты навсегда моя первая любовь. Я тот, который проникает в кровь. Ты навсегда. Cette voix dans ta tête qui ne cesse de résonner, cette découverte du sexe qui t'a enfin révélé, cette personne qui s'apprête à revenir dans tes pensées. Je suis juste ton premier amour, ce fantôme qui te traque nuit et jour. Je suis juste la personne qui accourt, nos vies, nos pas, nos routes formeront toujours ce carrefour. À cette époque, je n'étais pas important, nous voguions dans un océan inconscient, impertinent. Face à tes parents, je donnais une image pour t'être séduisant. Finalement je reste ton premier amant. Ton premier amour et tes plus forts sentiments. Je suis juste ton premier amour, celui à qui tu penseras chaque jour. Ты навсегда моя первая любовь. Я тот, который проникает в кровь. Ты навсегда моя первая любовь. Я тот, который проникает в кровь. Ты навсегда моя первая любовь. Я тот, который проникает в кровь. Ты навсегда моя первая любовь. Я тот, который проникает в кровь. Как часто по ночам я в комнате одна, и только тишина и мысли про тебя. Я знаю, что жива с тобой наедине. Ты лучше останется во мне. День и ночь тебя я жду. День и ночь я за тобой бегу. День и ночь тебя я жду. День и ночь я за тобой бегу. Jour et nuit, je joue et je perds. J'ai misé ton cœur sur une table de poker. Je reste dur en affaire, tu me déclares la guerre. Ton souvenir s'évanouit, telle une vapeur d'éther. Tes bras m'attirent, ton sourire m'atterre. Ta voix me fait fuir vers les sirènes en mer. Tu veux changer de vie et c'est moi qui t'ai changé en déesse radieuse qui ne cesse de me répéter que l'amour de l'un est comme une éternité qui, sans le cœur de l'autre, ne peut pas perdurer. Je suis une partie de ton cerveau lisant dans tes pensées. Je suis comme ton ego qui connaît tes volontés. Ты навсегда моя первая любовь. Я тот, который проникает в кровь. Ты навсегда моя первая любовь. Я тот, который проникает в кровь. Ты навсегда моя первая любовь. Я тот, который проникает в кровь.